Unité 2, entraînement au DELF A1, compréhension de l'oral, exercice 2. Salut Agnès. Bah écoute, je t'appelle parce que je viens de trouver un super appart en plein dans le centre. Pour fêter ça, je fais une soirée le 23. Pour l'adresse, appelle-moi sur le portable de Mitch au 06 90 46 10 37. À plus, ciao.